Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Tour à tour ou simultanément écrivain, scénariste, éditeur, homme de radio et de télévision, Marcel Julien, disparu en 2004, aura brillamment vécu son éclectisme. Auteur de nombreux ouvrages historiques, il fut aussi directeur littéraire, notamment chez Plon, où il édita les Mémoires d'espoir de Charles de Gaulle. Au cinéma, on retrouve son nom au générique de grands succès populaires comme Le Corneau, La Grande Vadrouille, Le Cerveau et La Folie des Grandeurs de son ami Gérard Oury. Réalisateur de plusieurs films, Marcel Julien fut également l'adaptateur de beaucoup d'autres, en particulier du roman historique Les Rois Maudits de Maurice Druon, grand triomphe du petit écran. Devenu le premier président d'Antenne 2, qui n'était pas encore France 2, il y imposa le grand échiquier et apostrophe. À Marcel Julien, président peu obsédé par l'audimat, on attribue cette phrase « La télévision rend fou, je le sais, j'en viens ». En 1971, plusieurs années avant qu'il ne préside la deuxième chaîne, il était sur France Culture, l'invité des mots-clés, où il réagissait aux mots que lui soumettait Pierre Lhost. Au fil de ses réponses, Marcel Julien livrait quelques traits de sa personnalité et évoquait différentes périodes de son existence qui, comme il le rappelait dans cette émission, avaient bien failli prendre prématurément fin sous la hache d'un bourreau nazi durant l'occupation. Les mots-clés avec Marcel Julien, une émission diffusée la première fois le 3 novembre 1971 sur France Culture. Cher Marcel Julien, je veux vous rappeler la règle des mots-clés. J'ai choisi un certain nombre de mots et un certain nombre de noms qui doivent correspondre à quelque chose immédiatement chez vous, qui doivent déclencher une idée, une image, une anecdote. J'ai placé ces mots dans un désordre savant, choisi et pervers. Et pervers, et je voudrais vous demander de me répondre comme ça, tout à trac, et vous me répondez en un mot, en une phrase, en une minute, en 3 minutes, vous avez tout le temps que vous voulez. Vous y êtes ? J'y prêt. L'enfance. L'enfance, c'est un désert. Je ne me souviens absolument pas de l'enfance. C'est drôle. Je parle de la mienne, là, vous voyez, très égoïstement. Je suis intéressé par les enfants et je n'ai pas de souvenirs d'enfance ou deux ou trois en tout, encombrants parce qu'ils sont peu nombreux. Mais c'est un paysage et c'est un pays que j'ai traversé sans le voir. L'amitié. Oh, c'est l'inverse. C'est un pays très vaste que je traverse tout le temps en le voyant. Et c'est, à mon sens, finalement, quand on a vécu un certain nombre d'années, n'en parlons pas du nombre, c'est vraiment la plus grande richesse. Et cette richesse, je me demande si on crée l'amitié, si l'amitié se crée, je me demande quelle est la part de fabrication. Je ne voudrais pas que ce mot soit pris dans un sens péjoratif. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de l'amitié. Quand on a besoin de l'amitié, peut-être crée-t-on les conditions de l'amitié sans le savoir, comme une fleur a du pollen, enfin je veux dire. Et c'est terrible et c'est merveilleux. Je veux dire que l'on prête aux gens qui vous entourent et pour qui on a une attirance d'amitié, souvent des qualités, des vertus, des correspondances qui au départ sont un peu fabriquées, un peu factices, je répète. C'est-à-dire que je m'en rends compte maintenant, il m'arrivait très souvent de dire, et c'est la tricherie allait jusque-là, je parlais d'une rencontre avec quelqu'un en qui j'avais confiance et je disais, tu sais, j'ai vu un tel hier, il est merveilleux. Et si, dans notre conversation, une phrase, une invention était venue de moi, mais qu'elle me convenait, donc je la croyais bonne, puisque c'était moi qui l'ai, eh bien, je me rends compte le nombre de fois où je l'ai mis dans la bouche de l'autre et j'ai fini par croire que c'est l'autre qui l'avait eu parce que j'avais besoin qu'il l'ait dit. Alors, je pense donc qu'il y a un moment de création de l'amitié et que quand ensuite, si vous voulez, la mayonnaise a pris, quand les choses ont été conformes à l'échantillon, alors l'amitié se crée. Il y en a fatalement beaucoup de spontanés. Mais je veux dire, vous prenez un être, il sort de chez lui, il rentre dans le métro, il va à un bureau, il rentre dans un dans un univers social, s'il a besoin d'amitié, si ça fait la nourriture de sa vie, à mon avis, il en crée plus que quelqu'un qui n'en a pas besoin ou qui en a soif, mais qui a une timidité envers l'amitié. Je crois que c'est un don, une création, et que le moment terrible, et je l'ai traversé dernièrement, c'est le moment où on se demande si on a le droit. Je dis bien droit à l'amitié, c'est-à-dire si on crée des liens. Vous savez, la fameuse phrase de Saint-Exupéry au Fennec, au renard des sables, apprivoiser, c'est créer des liens. Eh bien, on s'apprivoise, les êtres humains. Et quand on a créé ces liens, s'ils vous deviennent indispensables, c'est donc un moment de tristesse, un moment de désespoir, s'ils doivent être rompus par la vie ou parce que vous n'êtes pas en train d'être sur le même octave au même moment. Et en même temps, ce sont des responsabilités envers les liens qu'on a suggérés et qui ont été acceptés, puisque on a des droits sur vous. Et c'est un voyage merveilleux, mais un voyage dangereux, c'est-à-dire les seuls qui valent la peine. Et un moment de la vie où, pour moi, je viens de le traverser, où j'ai eu une espèce d'envie de me mettre dans une tanière parce que j'avais peur de créer des liens. C'est vous dire combien j'aime l'amitié et combien elle m'est nécessaire puisqu'elle me fait un peu peur. La France. Alors, je sais que c'est pas de la mode, mais contre toutes les modes, vous savez, je suis provençal, j'ai donc une espèce de fond mistralien et j'en suis toujours à cette phrase très bête qui va faire rire de Mistral. J'aime mon village plus que ton village, j'aime ma province plus que ta province, j'aime la France par-dessus tout. C'est très bête en 1971, j'accepte volontiers d'être bête. Les nourritures terrestres. Vous parlez de Gilles ou en général des nourritures terrestres? Ah mais vous, ce mot prononcé devant vous, qu'est-ce qu'il détermine aussitôt, qu'est-ce qu'il déclenche? Alors, arbitrairement et spontanément, pour moi, les nourritures terrestres sont réellement ce qui nourrit. Nous parlions tout à l'heure d'amitié. On peut se nourrir de viande rouge, j'en suis très amateur, et on peut se nourrir de tendresse. Eh bien, les deux me semblent aller de pair, et je suis toujours effaré et craintif quand on les sépare. L'anarchie. Ah, une chose merveilleuse. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'on puisse vivre sans un grain d'anarchie dans le cœur, tout en sachant également que c'est inapplicable en sa totalité. D'abord, bien entendu, si on a le bon sens de pas voir avec anarchie égale désordre, enfin anarchie égale violence, anarchie, enfin tous les clichés. Si anarchie veut dire que le monde dirigé par des États, quelle qu'en soit la nature, est-ce que l'homme n'a pas abdiqué trop de son destin, de ses possibilités de bonheur, de ses possibilités de vie tout court, envers des instruments qui sont l'État, le gouvernement, les autorités. Alors ça, je crois que oui, et je crois qu'il faut mettre de l'anarchie dans cet ordre, car cet ordre tel quel nous conduit, on le voit sans aucune espèce d'équivoque, vers rien qui ressemble au destin véritable de l'homme. Donc, je crois à la nécessité de l'anarchie comme à la nécessité d'un ferment à l'intérieur d'une pâte. S'il n'y a pas ce ferment, on va tous être très plats. Guillaume Apollinaire. Alors là, c'est, je crois, c'est l'acte d'amour numéro un. C'est drôle, vous savez, on se dit dans la vie, moi j'ai l'impression que trois êtres en tout et pour tout, sur le plan de la lecture, m'ont dérangé dans la vie. Il y a Rimbaud, mais je ne vois pas quel adolescent il n'a pas dérangé et quelle trace il n'a pas laissé. Il y a Guillaume Apollinaire et Louis-Ferdinand Céline. Et Apollinaire est pour moi le plus... C'est très drôle, puisque finalement, polonais, teinté de Renan, ayant goûté au surréalisme, ayant tout traversé, il devrait être au... Moi, je devrais me trouver fort loin de lui, et tout le moment où j'ai mal, tous les moments où j'ai peur, et tous les moments où je suis solitaire, le seul compagnon dont j'ai envie de sentir la main, c'est évidemment Guillaume Apollinaire, mais est-ce que c'est pas par le fait que je n'ai aucune déconvenue à attendre d'Apollinaire? Marcel Julien, la responsabilité. C'est fantastique. C'est pour moi, peut-être brutalement comme ça, la seule notion de liberté. Je veux dire que j'éprouve le sentiment de la liberté quand j'assume une responsabilité et que je me dis que les autres attendent quelque chose de moi. Tout ça m'amène un sentiment d'aviation. Je pense que tout le monde court après le mot liberté et après son contenu. Et j'étais très jeune lorsque j'ai éprouvé dans un avion parce que j'ai eu très peur. C'était un avion sans avoir de radio et j'étais seul à bord et je débutais et il y a eu un incident technique, je passe sur un incident technique. Et brusquement, avec un froid dans le dos d'abord et un émerveillement ensuite, j'ai su que je crie, que je hurle, que quoi que je fasse, personne ne le saurait, personne ne pourrait me tendre la main. Et j'ai compris que la liberté, c'était quand les autres ne peuvent rien pour vous. Et donc que vous avez en main la responsabilité seule. Et je crois que c'est je dirais pas joie, c'est un bonheur, moi, dont je ne pourrais pas me passer. Souvent, j'ai la tentation de me dire, tu vas ne faire qu'écrire, tu vas abandonner tes autres activités parce que tu as trop soif d'écrire. Et puis, je me dis qu'à part la responsabilité d'écrire quelque chose qui engage, je m'engage, je fais très attention et je mets 200 guillemets avant et après. Mais je veux dire quelque chose où on fait action et où on prend une responsabilité envers les gens. Une responsabilité vraie, pas seulement esthétique. Ne me suffirait pas, que j'ai terriblement besoin de me dire, bon, quelque chose va mal là-bas, la curiosité pour moi est grande, on me confie une responsabilité, je crois qu'alors là, je mourrai pour des responsabilités et que je suis intolérant pour les partager. Je ne sais pas partager. Je sais partager les risques, mais je ne peux pas partager les responsabilités. Le bonheur. Vous m'auriez posé la question il y a 3-4 mois, je crois que j'aurais dit que c'était un but en soi, et je crois que c'est une... Et c'est pas du tout désemparé ou désespéré ce que je vais vous dire. Je crois que c'est une chimère et que quand on sait que c'est une chimère, on peut avoir un goût acide et beau du bonheur sur les lèvres, mais qu'on peut pas avoir ce goût-là si on le cherche et qu'il vaut plus le chercher. Le danger. Le danger, c'est aussi respectable que la responsabilité. Je veux dire que je suis frappé, puisque le mot est à la mode et que les néologismes dangereux et puérils sont à la mode, que la sécurisation, elle me semble une énorme défaite. Elle me semble ce qu'est le plastique au verre. Je crois qu'à partir du moment où il y a du verre et de la fragilité, où il y a un danger de casse, il y a civilisation, il y a altitude, il y a qualité. Je crois qu'à partir du moment où le danger de briser un verre disparaît, le danger de perdre sa vie, le danger de perdre sa situation, le danger de perdre les choses matérielles ou les choses morales existent, on existe. Quand le danger cesse, on n'existe pas, on se nourrit. La fleur de lys. La fleur de lys, c'est les vieilles choses d'enfance. Et non, je pense là-dessus, si vous voulez, quand on vient de dire ce que je viens de dire, il est bien évident que tout sceptique que l'on veuille être, tout limé par beaucoup de choses que l'on soit, on a le besoin qu'il y ait quelque part une fleur merveilleuse, et peut-être est choisi dans une enfance, dans une famille modeste, absolument pas politisée, et eu une soif de me dire que le roi de France, c'était la France, et qu'il y avait une fleur merveilleuse, qui était une fleur intemporelle, et que si on pouvait se sacrifier pour une cause, il fallait qu'elle soit pas directement rattachée à un homme, il fallait qu'elle soit adéquate à la France, et il fallait qu'elle soit un peu perdue, comme toutes les bonnes causes. Alors voilà pourquoi, oui, fleur de lys. Le mensonge. Alors le mensonge, il faudra encore parler de la catégorie du mensonge. Je pense que aimer mentir, c'est peut-être aimer les autres, puisque nous n'acceptons plus la vérité. Est-elle comestible, la vérité? Alors je pense que le mensonge peut être tantôt une convenance avec ce que ça a d'odieux et d'acceptation d'une vie menée par des principes bourgeois. Ça peut être une défense contre l'absurde, ça peut être une protection pour les autres. Il s'agit, je sais bien qu'on peut, on se dit toujours, faut-il mentir à un malade? Nous sommes tous des malades. La seule différence, c'est qu'on n'est pas toujours allongé quand on est malade, mais on est toujours malade. Si vous voulez, je fais un métier où je vois tous les jours des auteurs en état de gestation. En état de gestation, on est malade. Et quand on est malade, si on vous disait à un auteur complètement la vérité, il y a des moments merveilleux quand on a des affinités telles qu'on puisse dire à quelqu'un qu'on aime vraiment et qu'on estime très profondément, il faut ces deux conditions, c'est très mauvais ton deuxième chapitre, mais le reste du temps, comment le faire pour obtenir le résultat souhaité pour lui, autrement que par le chemin du mensonge? Le chemin du mensonge, à mon avis, n'est pas déshonorant si on est bien sûr, mais il faut le prendre qu'à cette condition. Si on est bien sûr de ce que l'on veut faire au bout du chemin, et que ce qu'on fasse au bout du chemin soit propre et loyal. Mais sinon, alors le chemin du mensonge est bon. Le ciel. Là, c'est immédiatement aéronautique. Je vous demande pardon. J'en demande pardon à Dieu, mais ça a été d'abord aéronautique. Pourquoi? Parce que pour moi, le souvenir, pas des heures aériennes, est un souvenir de... Il y avait un mot de Rosanov, ce pilote d'essai qui s'est tué aux commandes du Mystère 4, et qui disait, le ciel est un nettoyeur automatique, on va au ciel comme on va chez le teinturier. quand on se promène là-haut tout seul, il se passe des choses. Il se passe de ces choses simples qui ressemblent au vent, qui ressemblent au soleil, qui ressemblent au froid ou au chaud. Et on est replacé un peu dans des conditions, je dirais, de la genèse. On est vrai. Alors quand on sort du vrai et qu'on était seul dans le vrai, ça vaut mieux que le sauna. Donc pour moi, le ciel, c'est une... J'en suis veuf un peu. Et vous voyez, dans les déterminations qui ont suivi mes mois mauvais que j'évoquais, j'ai bien décidé de revoler pour aller me nettoyer. La poésie. C'est, si vous voulez, pour moi... Et c'est très drôle, ce que vous venez de me dire comme question m'a conduite à me rendre compte que, exception faite de Louis-Ferdinand Céline dont je parlais tout à l'heure, ce qui a fait des plis en moi, ce qui m'a marqué profondément, il y avait même des sillons, c'est jamais la prose, enfin ce sont des vers qui me viennent en tête, ce sont jamais des phrases. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je pense que les phrases, dans la plupart des cas, sont plus... concernent davantage et sont plus précises. Je pense que la poésie a ce qui est, approche plus l'homme puisqu'elle est plus vague. Et que je crois que c'est terriblement et merveilleusement vague l'homme et que pour moi la poésie est le véhicule qui va le plus loin et le plus précis justement parce qu'il est obligatoirement et délibérément vague. La poésie c'est, vous parliez de nourriture terrestre tout à l'heure, j'ai l'impression que si la mémoire me manquait et que les livres me manquent, alors que par chance j'ai beaucoup de livres autour de moi par métier et que par chance j'ai de la mémoire, je serais très pauvre et que ce serait mon plus grand appauvrissement. La nuit. Il y a un mot merveilleux de Robert Brasillac, la nuit qui n'a pas de mensonge. Alors le fait qu'elle n'ait pas de mensonge, c'est terrible. Je veux dire que j'ai eu un deuil cruel ces derniers temps et que j'ai eu un malheur comme ça en moi et que j'ai eu peur de la nuit. J'ai eu peur de la nuit, j'ai donc fait comme tous les personnes qui ont peur de la nuit, j'ai pris de quoi dormir, soi-disant de quoi dormir. Et il en faut prendre de plus en plus et on y arrive de moins en moins. Et j'en suis sorti de tout cela en me disant qu'il ne faut pas tricher avec la nuit. Parce que la nuit, c'est une réalité de naissance. On a aidé une nuit, un jour, c'est ainsi. Je pense que c'est une des choses les plus certaines dans cet univers incertain. Et que tricher avec la nuit ou tricher avec la lumière, c'est dans un sens dégagé du chrétien, c'est un péché. Donc il faut assumer sa nuit. Et elle devient plus fraternelle quand on a accepté de l'assumer. Marcel Julien, la complicité. Ah, la complicité, c'est tout. C'est-à-dire, c'est... Je crois que l'être humain solitaire n'est rien. Je crois qu'il est quelque chose quand il y a connivence. Il peut y avoir connivence avec une idée, il peut y avoir connivence avec un être, il peut y avoir connivence avec un rocher ou avec un ciel ou avec un cyprès. Mais du moment qu'il y a clin d'œil, du moment que l'on peut marcher en se disant « si je m'égare, si je sors de ce qui semble être le bon et droit chemin, l'autre saura que je le sais et n'aura pas peur ». C'est ce qui fait toutes les aventures humaines. Comment aller loin si l'on n'est pas sûr de l'autre, si l'autre n'est pas sûr de vous? Et comment, étant donné que la vie se fait à chaque pas, on ne peut pas à chaque pas s'arrêter et expliquer le pas suivant. Et quand on fait ça, on devient un intellectuel et on ne fait plus que du commerce des idées, mais les pas s'arrêtent. Et je crois au pas qui marche. Et pour marcher, il faut ne pas expliquer, parce qu'on n'a plus besoin de rien se dire, parce qu'on compte l'un sur l'autre. C'est fragile, la complicité, parce que ça peut conduire à une sorte d'échange fantastique ou à un hold-up dans la rue, enfin, je veux dire. Et j'aurais une tendresse même pour le hold-up, si ce hold-up est vraiment fait de complice. Je pense qu'il est plus essentiel d'avoir pour règle du jeu de ne jamais tromper un complice, même si, alors je vais très loin, si ensemble on doit tromper les autres. L'important, et on reste pur, s'il y a une complicité entre deux êtres. La Provence. La Provence est un des actes de complicité, en ce sens que, si vous voulez, il m'arrive, je parlais du ciel comme nettoyeur automatique, la Provence l'est un peu pour moi, mais la Provence est peuplée. Léon Daudet disait que la Provence était peuplée des morts, et c'est vrai que des morts au pluriel, je dirais même presque des morts en un curieux singulier, c'est-à-dire que Il y a Rome, il y a la Grèce, il y a toute l'Antiquité qui affleure comme des sources, et le cyprès et la colonne de Vaison ou la colonne de Glanum, ils cohabitent avec ces ruisseaux dont Alphonse Daudet disait, alors qu'ils rafraîchissent par l'oreille, c'est absolument mon pays, c'est le pays où je suis en... Si je rencontrais un dieu grec malicieux le soir sur une route au clair de lune, je sais qu'on aurait à discuter d'un droit de péage qui serait de la dialectique et qu'on passerait la nuit à se tromper l'un l'autre et que j'aurais pas peur ni de la nuit ni du dieu. Et il n'y a nulle part ailleurs, je pourrais avoir cette connivence, sauf en Grèce où je l'ai éprouvé. Mais je me trouverais dans une forêt des Ardennes, une nuit, et je verrais un dieu, hein, le dieu Votan qui surgirait des ténèbres, j'aurais peut-être un sentiment de peur, ce serait charmant d'ailleurs, mais j'aurais un sentiment que peut-être la violence, peut-être la force, peut-être la stupidité barrerait ma route. Avec un dieu grec, j'aurais peur de rien parce que je sais qu'on tricherait tous les deux. L'arbre. Ah, l'arbre. L'arbre, je sais que vous aimez les arbres, Pierre-Lost, et que c'est un problème. Mais alors, ce problème de l'arbre, moi je crois, l'arbre, c'est... Bon, d'abord, c'est la manifestation peut-être la plus directe, la plus formelle de la vie. C'est un acte de foi, un arbre. Ça va d'abord vers ce fameux ciel, ça y va avec une netteté de flèche, et ça donne le sentiment aussi du refuge. Je sais bien qu'il ne faut jamais se réfugier sous un arbre quand il y a la foudre, mais je crois que le sentiment, quand on a peur, quand on a froid, quand il pleut, même quand il y a foudre, c'est un réflexe naturel d'aller sous un arbre. Il vaut mieux mourir foudroyé sous un arbre protecteur que courir dans un champ loin d'un arbre. Le cinéma. Le cinéma, pour moi, ça a été d'abord une surprise. C'est-à-dire que je ne suis pas allé au cinéma. Le cinéma est allé vers moi à la suite d'une erreur. C'est-à-dire, Gérard Houry a voulu porter à l'écran un livre que j'avais écrit et m'a télégraphié, en se trompant d'ailleurs de maison d'édition. Ce télégramme m'est arrivé avec beaucoup de retard. J'ignorais encore les mœurs et les habitudes du cinéma. Nous habitions à 200 mètres l'un de l'autre, mais on s'envoyait des télégrammes dans Paris avec des erreurs pour me trouver. J'ai travaillé donc à l'adaptation de mon livre avec d'autres adaptateurs. Le film tiré de ce livre nous a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, n'est jamais vu le jour comme de juste. Et depuis, j'ai fait avec Gérard Houry 4 films, dont le dernier va sortir maintenant, et puis j'en ai fait moi, et j'ai surtout maintenant attrapé cette maladie. Pourquoi cette maladie? Je crois d'abord parce que quand j'ai voulu faire quand le cinéma est venu vers moi et que j'ai adhéré au cinéma, ça a été pour moi une façon de continuer à créer sans créer des livres, c'est-à-dire dans l'univers dont je m'occupais pour les autres. C'était une espèce de politesse à l'égard des gens que je servais, de ne pas être dans le directement du côté des gens servis, même si je me fais publier dans une autre maison d'édition, et tout de même je garde ce droit et cette soif. Je suis indirectement concurrentiel, pour employer un mot affreux, tandis qu'au cinéma c'était autre chose. Puis alors, j'ai été frappé par le fait que le cinéma correspondait assez profondément à un aspect de moi-même qui était celui de prendre les choses en marche. Le cinéma est une façon différente du roman et de la littérature. Quand on a un peu l'habitude, comme je l'ai maintenant, de le pratiquer, on commence une scène quand on veut, on la quitte quand on veut, on est sur plusieurs pistes. Il y a donc à la fois ubiquité, coupure et changement, et ça correspond peut-être un peu à moi. Marcel Julien, la peine de mort. D'abord, je suis contre... J'ai été concerné directement par la peine de mort puisque je devais mourir décapité à l'âge. Donc, déjà, disons, je suis un peu juge et parti. Mais avant que ça ne m'arrive, et j'avais 22 ans quand ça m'est arrivé, plus que ça, je me... Non, 22. J'ai toujours été contre. Je suis très capable. Je préfère par goût la loi du talion immédiat à la peine de mort. Je comprends très bien, on aurait massacré, on aurait profané quelqu'un que j'aime, ou quelque chose que j'aime. Je pense que sur l'immédiat, quand je serais parti à la recherche et que j'aurais trouvé les assassins ou les profanateurs, je serais probablement capable de tuer. Mais 4 jours après, quand ces profanateurs ne seraient plus des profanateurs, quand ces assassins ne seraient plus des assassins, mais de pauvres êtres en prison, je ne pourrais plus accepter qu'on les tuât. Je pense que l'acte de tuer un homme est un acte impossible. Sauf dans un état passionnel, justifié ou non, pour autant que l'on puisse dire que la passion soit justifiée. Je crois donc qu'au Talion, je méprise la peine de mort et je trouve que les... étant donné qu'elle s'entoure d'un apparat, de robes rouges, de petits matins, de toute une chose que le pouvoir, que l'État, que l'on donne au meurtre, même légal, un apparat et une pompe, mais insupportable. La drogue. La drogue, ça, où ça commence et où ça finit. Il est bien évident que, on parlait tout à l'heure d'Apollinaire, c'est une drogue. Vous me direz qu'elle est inoffensive, je ne suis pas sûr. Je dirais donc qu'à chacun sa drogue. Et que le mot drogue est un mot... c'est trop facile d'accuser la drogue. La drogue, c'est au stade de gentillet du matin, la première cigarette qu'on allume ou qu'on n'allume pas, ce sont les fameux tranquillisants, c'est l'alcool, et c'est finalement la drogue. Mais je me demande si ces drogues, quelle qu'en soit leur violence, quel qu'en soit leur pouvoir, tout ce qui transforme l'individu, chimiquement, est une espèce d'offense à ce que l'on est. Je suis tellement, je divinise tellement la personnalité de chacun. Je trouve que c'est fantastique que chacun soit si différent comme les brins d'herbe sont différents. Qu'à partir du moment où, étant ce que l'on est, on le transforme arbitrairement et artificiellement, je trouve ça très grave et très fâcheux. Mais alors, soyons un peu honnêtes envers nous-mêmes, nous le faisons tous, nous le faisons quand, ayant un chagrin, quelqu'un se drogue de musique parce que ça l'aide. La drogue, c'est aussi le moyen, parfois, de protéger ce que nous sommes. Alors, ça devient une question de mode d'emploi, de degré d'utilisation et de qualité de drogue et de qualité d'individu. Le jeu est une drogue, l'amour est une drogue, le travail est la drogue la plus naturelle, la plus quotidienne qui soit, le sport. Bon, donc, dans le mot drogue, je dirais tout ce qui protège ou détruit, mais transforme. Alors là, je dirais la religion, disait Marx, mais tout ça est vrai et faux. Je crois que peut-on ou non traverser la vie tout seul, l'amitié est une drogue. Bon, donc, nous utilisons tous des drogues. Et nous avons du mépris pour les drogues des autres. Et nous avons de l'hygiène pour les autres. Nous n'en avons pas pour nous. L'humour. Ah ben, l'humour. L'humour, ça fait que nous parlons, parce que sinon, ce serait intolérable de penser qu'on peut poser à quelqu'un les questions que vous me posez et que je vous y réponde. Si on n'avait pas l'humour sur soi-même, ça serait se prendre très au sérieux. Grâce au ciel, il y a l'humour. Alors, l'humour, ça veut dire, franchement, à partir du moment où on a mis pas le pied, puisqu'on n'avait d'abord pas le pied, mais quand on vient au monde, il y a déjà un paradoxe fantastique, puisque à partir du moment où on est mis au monde, on va se poser la question de savoir pourquoi on est au monde, d'où on vient, et qu'on ne la résoudra jamais, et que des messieurs extrêmement sérieux vont faire beaucoup de livres là-dessus sur la condition humaine. Donc si on n'a pas l'humour d'éclater de rire le matin de sa naissance, on est perdu, puisqu'on ne sait rien de cela, qu'on essaye de le résoudre par la foi, on essaye de le résoudre par la science, on essaye de le résoudre par la philosophie, et que finalement, tout ça, si on le regarde avec un peu de recul, et avec cet indispensable humour, n'est pas sérieux une seconde. Ce qui est sérieux, une seconde, c'est ce qui vous arrive, et ce qui arrive aux gens qu'on aime. Et c'est très grave, c'est jamais sérieux non plus. Donc, puisque la vie n'est pas sérieuse, puisqu'on ne sait pas d'où elle vient, où elle va, si on n'avait pas d'humour, on ne la vivrait pas. Raymond Poulidor. Oh ! Raymond Poulidor, c'est nécessaire. Je n'ai rien contre Raymond Poulidor que je ne connais pas. Par contre, je connais un peu Jacques Anquetil. Et je vais vous donner une anecdote qui dit tout. Il y avait un dîner, j'assistais à un dîner qui était un dîner de pros, je dirais, pour ne pas dire professionnel. Pour vous en donner une idée, il y avait Michel Audiard, il y avait Jean Gabin, il y avait Georges Brassens, il y avait Jacques Anquetil, et il y avait René Fallet. Et à un moment donné, René Fallet, donc, qui a le cœur sur les lèvres en bandoulière et qui venait de sortir l'amour baroque, dit à Madame Anquetil, vous êtes sentimentale, parce que si vous n'êtes pas sentimentale, c'est pas la peine que je vous donne mon livre. Puis il se reprend aussitôt et il dit d'abord, je sais que vous n'êtes pas sentimentale, parce que sinon vous n'auriez pas épousé Jacques, mais Poupou. Ben voilà la nécessité de Poupou, il est nécessaire qu'il y ait des Poulidor pour qu'il y ait des seconds, mais ça c'est trop facile à dire, mais pour qu'il y ait quelqu'un qui ait la tendresse populaire, parce qu'il est moins directement un professionnel. Et qu'un professionnel, moi je suis fasciné par les professionnels, mais quand les professionnels ont de la malchance, ils retrouvent une espèce d'amateurisme du hasard. Les hippies. Ah, mais c'est très bien ça. J'ai essayé de d'expliquer aux gens jeunes que j'avais autour de moi il y a 7 ou 8 ans que c'était important. J'ai même sorti un livre qui s'appelait, je crois, Le petit livre rose du hippie, qui a eu un insuccès colossal. Et je le faisais, il faut dire qu'il ne ressemblait pas au hippie, il ressemblait à l'effraction, aux boursouflures du hippisme. Bon, je pense qu'il est essentiel que des gens, cessant d'être contestataires avec des Cadillacs, cessant de briser les fauteuils de l'Olympia, tentent de se mettre, avec tout ce qu'il peut y avoir d'apparat, tout ce qu'il peut y avoir d'ostentatoire, à vivre une vie quasi-biblique au milieu des immeubles. Je trouve que faut le faire, comme dirait Michel Audiard. Faut le faire, même si c'est plus commode, même si c'est plus lâche, même si c'est plus vol. Ben, il y a 20 ans, personne ne l'aurait pu faire. Aujourd'hui, on le fait. Est-ce que ça n'est pas un progrès? Je ne pense pas. Je considère ça comme le nouveau roman, si vous voulez. Je considère que ce sont des expériences de laboratoire faites sur la place publique qui peuvent avoir de l'intérêt pour tout le monde. La seule curiosité, c'est que ça se passe en place publique. Mais à un moment donné, il y a des germes qui donneront tout à fait autre chose, mais qui aideront peut-être une transformation que je crois indispensable d'une société qui, n'ayant pas trouvé ses bons chemins, je crois qu'on en est tous à peu près d'accord, eh bien, a besoin d'en trouver d'autres. Bon, alors, tout est bon à partir du moment où il y a un germe. Moi, je crois que la malchance des civilisations, c'est quand il n'y a pas de germe. Alors, vive les hippies, je n'adhère pas à tout, je dis, il est bon que ça existe, on verra ce que ça deviendra. L'expression actuelle ne peut pas être une expression suffisante, ni définitive, ni satisfaisante. Mais il vaut mieux ça que le silence et la résignation. Bourville. Bourville, c'est un homme de grande qualité. Bourville, c'est... Vous voyez, on dit homme, on dit pas comédien. On pense d'abord à l'homme. Je dirais... J'ai fait... Que je réfléchisse bien... 1, 2, 3, 4 films avec André Bourville. Le dernier, et c'est pas la faute de Marcel Camus, le pauvre, ni tellement la mienne, ou alors je le dirais, n'était pas le meilleur. Il a très bien marché quand même, il s'appelait Le mur de l'Atlantique. Les gens ne se doutent pas de ce qu'a été... Les critiques ont été odieuses, et je dirais justement odieuses sur l'objet. Elles ont eu le tort de parler de Bourville, de parler de Marcel Camus, et de parler de ce film avec une certaine méchanceté que je m'explique par l'amour qu'elle portait à Bourville, et elle se trompait. Ça a été pour nous, et Marcel Camus est vraiment un garçon merveilleux, à assumer Bourville jusqu'au bout dans cette aventure, et nous savions, en transformant des scènes du film, en ayant entendu un certain nombre de mois et d'années, que le film s'est frité au fur et à mesure, et il faut aussi tirer son chapeau au producteur, qui est Georges de Beauregard. À un moment donné, des assurances n'ont pas voulu assurer Bourville. Georges de Beauregard a prétexté que le partenaire anglais n'était pas libre pour ne pas donner cette explication à Bourville. Et nous avons tous été complices d'une chose assez belle dans un métier sordide qui consiste à gagner de l'argent au cinématographe. Et puis on a fait un film très moyen. Et au moment de ce film, j'ai vu un jour Bourville à la maison et j'ai été frappé par le fait qu'il me demandait de rajouter une scène qui a très très bien réussi dans le film, mais qui était une scène de tendresse à l'égard d'un enfant. De l'enfant qu'avait eu sa fille avec le parachutiste anglais et le sens de la morale, de ce qui se fait et ne se fait pas, avait fait une première réaction très, très violente de Bourville. Et là, il a tenu à ce que ça se termine en tendresse et non plus en comique. Et quand il m'a dit, vous comprenez, si on me disait que cet enfant on lui donné le même prénom que moi, alors je crois que j'aurais les larmes aux yeux. Et il a pleuré. Et il m'a dit, parce que c'est si important, la vie. Et je ne savais pas qu'il en avait plus. Je savais qu'il était malade. Je ne savais pas qu'il en avait plus pour si longtemps. Et je ne voudrais pas avoir l'air aujourd'hui de dire tous les mots de quelqu'un qui est mort prennent une espèce de résonance particulière. Mais ça m'a... Quand j'ai appris sa mort, je dois dire simplement une chose. C'est que quand j'ai appris sa mort, j'ai reçu quelques coups de fil de stations de radio ou de télévision et que je fais répondre que j'étais pas là parce que j'avais pas envie de parler de Bourville. Je savais d'abord que des gens avaient plus de raison de moi qu'en parler. Et puis les morts qu'on aime, on n'a pas envie de les porter au petit écran, les porter à la radio, on les garde. J'aimais cet homme. Les saints. Orthographe. Ah, là c'est le piège. C'est le piège, il est difficile de mêler les deux. Alors là c'est de l'inconvenance. Non, si nous parlons, nous liquidons tout de suite la chose la plus agréable, en disant que c'est ravissant. Mais alors maintenant, parlons des saints qui, eux, ne sont pas fatalement ravissants et qui vivent avec une auréole sous le bras, sauf les jours fériés où ils les mettent autour de la tête. Moi, je pense que les saints sont d'abord une tentation d'angélisme extraordinaire. On sait qu'ils existaient un confort fantastique, les saints, parce que on se dirait sinon, et si on devenait quelque chose d'extraordinaire, et si on se détachait des passions, si on essayait de devenir quelqu'un qui pourrait ignorer qu'il a un corps, qu'il a un cœur, qu'il a un sexe, qu'il a des mains, et il ne va être que au service d'une pensée, au service des autres. Il va être en quelque sorte désincarné. On a très envie d'avoir mis au vestiaire tout ça, et on sait qu'on n'y arrivera pas. On nous a appris qu'il y a des gens qui étaient arrivés, et ben c'est bien. C'est bien de leur part, à eux, de l'avoir fait, et c'est bien de la part des gens qui nous l'ont fait croire. Moi, je les remercie tous les deux. La critique. Ah, la critique. On va encore se faire des amis. Et moi, j'ai des amis, beaucoup d'amis critiques, et je n'ai aucune amitié pour la critique. Je m'explique. Je pense que, socialement, les choses ont changé, et que le danger commence, je trouve très bon et très, très nécessaire, que des gens compétents donne une opinion, aide plus exactement les autres, car quelle en est la fonction, si ce n'est d'aider des gens qui sont, quelle que soit l'époque que nous évoquions, préoccupés par d'autres problèmes, de se faire une opinion plus ou moins valable des œuvres de l'esprit. Donc, il y a des gens qui ont eu le temps de le faire, qui aient la formation nécessaire pour les authentifier, qui disent c'est bien ou c'est pas mal, je trouve que c'est pas bien. Ce qui me frappe, c'est que le besoin de création est si lancinant, si occupant dans les individus qui savent écrire, qui veulent montrer qu'ils savent écrire plus que de vous renseigner. C'est-à-dire qu'il est plus important pour eux de faire un papier qui soit impertinent, drôle, cynique ou cruel que de faire un papier renseignant. Je trouve qu'ils ont perdu leur objet. L'objet, c'était d'être utile, ils deviennent frivoles au fur et à mesure. Et ça explique que la critique est de moins en moins d'importance. Et nous en plaignons. Autrement dit, j'en arrive à une chose terrible, et c'est là-dessus qu'il faudrait qu'il y ait une réaction. C'est que si ils continuent à faire leur... Ça n'empêche pas de faire un mot, ça n'empêche pas d'épingler quelqu'un, d'avoir une chose. Mais si au moins ils vous disaient, voilà, j'ai vu telle pièce, voilà ce qui s'y raconte, voilà Madame Françoise Rosé, elle est excellente, Monsieur Jean-Claude Brialy est détestable, et je m'empresse de dire que j'aime bien Jean-Claude Brialy, mais je simplifie, cette pièce voudrait être un... L'affrontement d'un fils et de sa mère, à vrai dire, l'auteur a manqué son propos, tout ça c'est un déballage artificiel et ça ne va pas. Moi je n'ai pas aimé cette pièce et je trouve que monsieur Intel... Alors c'est pas nécessaire de dire je trouve que monsieur Intel, puisqu'il a parlé de père et mère, semble n'avoir eu ni père ni mère, étant donné qu'il est si maladroit, et c'est pas ça qu'on attend. Enfin, mettons même qu'on le fasse, au moins dans une critique comme celle-ci, on vous a dit de quoi il s'agissait, le minimum nécessaire. Alors, quand on se rend compte que très souvent on dit... C'est d'abord, on implique l'auteur comme s'il était un coupable. C'est pas quelqu'un qui a manqué son coup, et c'est un peu d'irrespect à l'égard du travail de plusieurs personnes pendant plusieurs mois. Et qu'il se soit trompé, que quand on, qui n'a pas participé à une œuvre collective de création ne peut pas comprendre qu'on devient aveugle. On peut partir d'un bon propos, ce propos lui-même change en marchant. Quand on marche avec le propos, on ne le voit plus changer. À l'arrivée, on est des aveugles. Bon. Que l'on aide ces aveugles à y voir clair, c'est exactement comme si on en voulait à un aveugle d'avoir traversé la rue, et quand on l'a aidé à traverser, on dit « mais c'était un aveugle, il n'y avait qu'à le laisser de l'autre côté ». Si on est honnête, on doit dire « ils se sont trompés ». Je crois qu'ils se sont trompés. Or, je suis frappé par le fait, surtout en littérature et en édition, donc, que la promotion des livres viendra de plus en plus d'émissions de variété que d'émissions littéraires, si l'on continue. Si ces émissions littéraires ne sont pas... ne donne pas à la personne fascinée, passionnée par la littérature, le contenu des livres, un jugement serein, peut-être un jugement sévère, mais qui en tout cas fait dire, si le jugement est articulé, à la personne qui écoute, je ne partage pas, sans avoir lu, ce jugement, mais pour pouvoir faire, pour que l'auditeur, le lecteur puisse juger de l'œuvre, il faut qu'il sache ce qu'il y a dans l'œuvre, il faut qu'il sache ce qu'en pense M. Intel. Il peut se dire, je ne suis pas a priori de la vie de monsieur Intel, maintenant que j'ai lu le résumé de ce qu'il y a dans ce livre, quelques extraits de ce livre et ce qu'il vient d'en dire. Mais si on ne lui donne pas la possibilité de C'est vraiment un diktat. C'est de dire, je n'ai pas aimé ce truc, c'est très mauvais. Et on ne vous donne pas les moyens de savoir s'il a raison, mais on a très envie. C'est pour ça que j'avais toujours proposé qu'un journal créât, comme il y a le cantique des cantiques, le critique des critiques. Parce que ce sont les seules personnes... Ce n'est pas la défense dans l'affaire qui nous occupe, qui parle la dernière. C'est l'accusateur public. Et dans tous les bons procès, derrière, il y a la défense. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle, je vous dirais une chose étrange. Le général de Gaulle, d'abord je ne dirais pas le général de Gaulle, je dirais Charles de Gaulle. Moi j'ai eu la chance et l'émotion de connaître au soir de sa vie un écrivain et un homme de pensée considérable que je ne connaissais pas. J'avais, comme tout le monde, entendu parler du général de Gaulle. J'en avais entendu parler, non pas le 18 juin 40, car au plus je vais dans la vie, au moins je vois de gens, comme dirait l'autre, qui n'avait pas connu Napoléon, non, mais qui avait entendu l'appel du 18 juin. Mais dans ma cellule du bâtiment criminel de la prison allemande où je me trouvais, je gravais des croix de Lorraine dans la cellule en attendant la mort. Et donc le général de Gaulle a représenté ce que nous savons qu'il a représenté, c'est-à-dire cette lueur dans la nuit, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'il y avait une intemporalité, ces saints qui sont quelque part et qui vous font rêver du paradis. Donc pour moi, ça a été cela. Puis, je ne suis pas un animal politique et je ne suis absolument pas un animal d'adhésion. Bon, donc, l'action politique du général de Gaulle n'a jamais fait de moi un candidat municipal UNR à Palavas, ni un familier des assises d'un parti. Donc, je n'avais à l'égard du président de la République, étant éditeur, que cette sensation qui n'est jamais bon, que tout ce qui fait commerce de l'esprit fréquente les allées d'un pouvoir. Donc, pour moi, l'auteur Charles de Gaulle, devenu président de la République, était moins un auteur qu'avant. Et je n'ai jamais fréquenté donc l'Élysée, sauf une fois, prenant la direction de cette maison, aller tout de même me présenter à l'auteur le plus éminent de cette maison. Et c'est tout. Et puis, par le résultat d'un référendum, le général de Gaulle est redevenu Charles de Gaulle et est redevenu l'écrivain à plein emploi, l'homme de pensée à plein emploi. Et la chance a voulu donc que j'aille le voir à Colombier les Églises. Et là, je dois dire, j'ai trouvé l'être de ma vie qui m'est le plus étonné et pour lequel j'ai d'abord eu l'admiration. Je parlais de professionnel tout à l'heure. Il peut y avoir un professionnel de l'altitude, on ne s'y trompe pas. Je disais ça tout à l'heure. De très loin, grâce au ciel, ce n'est pas ça. Alors les cruautés, on peut être totalement en désaccord, je suis pas en train de faire un acte d'adhésion posthume, mais quand on a parlé avec cet homme et qu'on parle avec d'autres, après, qui sont dans les mêmes grandes allées, qui font les grandes affaires, on s'ennuie, hein, terriblement. On n'a plus envie, vraiment, enfin c'est plus possible, vraiment. Donc je ne suis pas en train de... J'entends bien, je ne suis pas en train de dire je suis gaulien, je suis gaulliste, je suis ceci, j'éprouve ce que je viens de dire. J'éprouve ce que je viens de dire, c'est que l'explication des grands événements, embrumée par tout ce que j'avais lu, quand j'avais la chance d'avoir la parole directe, était beaucoup plus intelligente, inquiétante et merveilleuse. Alors après, quand on a retiré ces trois adjectifs, on rencontre des gens qui font de la politique. Ils m'ennuient à mourir. Le hasard. Le hasard. D'abord, je crois que je suis joueur, on m'en fait le reproche, je suis pas joueur, je suis allé deux fois dans un casino pour voir ce que ça faisait, je suis un très modeste et je suis très paysan, j'ai très très vite peur. Savez, l'argent, les sous, disait le général de Gaulle, les sous, on a du mal à les gagner, dirait mon père, on n'a pas envie de les perdre comme ça. Mais, par exemple, moi, je cantonne mes rêves. Les jeux de hasard, moi, il y a dans les... Je sais pas si c'est pas prohibé, tant pis. Dans les petite foire de Provence, il y a des baraques de jeu. On joue à une roulette qui a 20 places. On joue pas des sous, puisqu'on n'a pas le droit de jouer des sous, mais on achète des jetons avec des sous. Et après, quand il n'y a pas le gendarme, on vous rembourse les jetons en sous, quand on vous rembourse. Je veux dire, quand vous ne perdez pas. Alors là, moi, jouer, là, je suis heureux, mais vraiment comme un animal qui est heureux de gambader. Donc j'imagine que les petits fans à la différence qu'ils sont beaucoup plus veltes que moi, ont des mêmes joies quand ils font des gambades. Mais moi, je fais des gambades dans le jeu et dans le hasard à me dire, bon, j'ai un chiffre, c'est le chiffre 7. Bon. J'ai eu une soirée sublime, un petit village qui s'appelle Opède, où il y avait la pluie et le feu d'artifice tout à la fois, et j'ai joué sur le 7. Et le 7 sortait. Et je disais, madame, je suis navré de vous dire ça, mais il va ressortir. Alors, on a limité mes mises, parce que je gagnais trop. Et que ça commençait, je disais, qu'est-ce que je vais dire à ces gens quand je vais avoir gagné plusieurs dizaines de milliers de francs en partant de 20 sous et j'étais à la fois heureux de brasser ces jetons avec cette espèce de joie imbécile que donne la réussite dans les jeux de hasard. Puis j'étais honteux des gens, disons, ce sont des gens qui gagnent difficilement leur vie, que je connaissais comme petit commerçant de la ville, et que j'allais mettre non pas sur la paille, mais dans un petit désespoir d'un soir. Je trouvais ça injuste qu'ils aient mal et que j'ai... Bon, je me suis acharné à perdre, et je n'y arrivais pas. Alors là, je lui dis, écoutez, madame, vous voyez bien que je ne le fais pas exprès, puisque je fais exprès de perdre, et je lui dis, maintenant, écoutez, je ne le mets plus sur le 7, parce que le 7 risque de ressortir, mais... Je peux vous dire quelque chose, je le mets sur le 13 et le 13 va sortir. Et j'y peux rien. Et je le mettais sur le 13 et le 13 sortait. Il y avait une espèce de magie. Bon, je suis arrivé, le sort et le hasard aidant à tout reperdre dans la soirée. Et je suis rentré d'une soirée illuminée qui sûrement, très sottement, comptera dans ma vie comme un moment de jubilation intense qui s'est bien terminé puisque je n'ai pas gagné et que je suis reparti probablement avec un tout petit peu moins de pièces de 20 sous que ce que j'en avais en arrivant. Mais ça me satisfait pleinement. Quant au hasard profond qui fait les existences... Je crois que c'est un face-à-face et qu'il faut aimer le hasard et je dirais par une phrase très, très bêtement chevaleresque qu'il faut le vaincre. Dernier mot, Marcel Julien, Dieu. Dieu. Je crois en Dieu. En dépit des hommes. En dépit de l'Église. En dépit de tout ce qui m'entoure. Et heureusement qu'il y a Dieu et heureusement que je ne mélange pas avec ceux qui parlent de Dieu. C'était Marcel Julien au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 3 novembre 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.